demander le programme. Direct live de la planète Terre, y'a beaucoup de trucs à voir. Des pyramides au petit terre-terre. T'es là sur cette petite planète bleue. Pas tout à fait ronde comme un petit trou de boulette. Macédonie, on va faire le tour du propriétaire. Parce qu'ici t'as rien sans tes titres de propriété. J'te pose le truc, le monde se divise en pays où tout est à vendre. Tu veux quelque chose, il suffit de payer. T'as les pauses vues, tu vas me dire, voilà, t'es dans la mer. Si t'es en galère, c'est à la nage que tu traverses la mer. Plein d'amertume et le goût de cette vie. Servi nature, plein de ce vide, esprit servi. Le vrai monde relègue la SF au rayon enfant. C'est fou, mais c'est pas rare qu'on voit la fin en disant enfin. Demandez le programme et attachez vos ceintures. Ne pensez plus ressentir, ça sent le souffle sentu. Sentiment ou sensation, jalousie et trahison. On n'oublie rien, on avance. Demandez le programme. Les rêves, les peines, la haine. L'amour, la vie, la mort. On n'oublie rien, on avance. Demandez le programme. Si je vis pas à fond, je déprime d'une façon dont t'as pas idée. Sans vitalité, mes allitérations restent alitées. Qualité du débit de mots, licence 4 de rime. Mes pires fautes, toujours mort de rire devant mes pitreries. Le programme, la vie bête comme un mec rétrograde. Un déchiffrable comme une série de mystérieux pictogrammes. Constat stérile, la situation gravissime. J'hallucine, le monde est gouverné par des imbéciles. Demandez le programme, y'a toujours des coups qui se trappent. Déprimant, noir, arabe et blanc, tous aussi citra. Enfouis sous les strates d'ignorance et de conneries. Les espoirs étouffés par des codes et des rives continues, révolte contenue. J'ai plus qu'à appeler sur le bouquin de la vie pour les nuls. Demandez le programme, ma vie c'est improvisation. J'me tape avec mes coups durs et leur accumulation. Sentiment ou sensation, jalousie et trahison. On n'oublie rien, on avance. Demandez le programme, les rêves, les peines, la haine. L'amour, la vie, la mort. On avance, demandez le programme. Entre les potes qui trahissent et les regards ébahis, y'a la merde et la pisse et les traces et paillettes. Espoirs empaillés depuis ce soir d'été. Je kiffais tant qu'à y être, puis ma première tété. Où t'étais quand j'étais ancien, que je criais au secours. Vas-y plus de là, comme Solar en mode old school. Y'a les suicides sur le net, les strings pour gamines. J'capterai un nostalgique de la croix gammée. Entre les enfants soldats et les bébés congelés. Tous nos problèmes à la con, à la poubelle je les jette. Des appels au secours inutiles font d'appel. C'est toi qui l'aimais, mais c'est eux qui la pètent. Remplace les histoires de cœur par les histoires de cul. Et remplace les études par les histoires de tu. Demandez programme, entre les meufs graves, les mecs ras, des petits crânes. Tous prêts à tous mes cras et les darons craquent. Sentiment ou sensation, jalousie et trahison. On n'oublie rien, on avance. Demandez le programme, les rêves, les peines, la haine. L'amour, la vie, la mort. On n'oublie rien, on avance. Demandez le programme.